chercheurs, etc., peuvent se sentir également concernés de ce point de vue-là, tout simplement dire à quoi ça leur fait penser, des choses sur lesquelles ils ont travaillé, des choses qu'ils ont lues. Et justement, on profite de ces séances pour mettre en commun ces choses-là, qui comme une sorte de toile d'araignée, en quelque sorte, un petit peu. Et pour formaliser ça, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer de mettre en place un petit blog dans lequel on aurait les présentations PowerPoint et sur lequel on s'engagerait, si on évoque un texte, un article, un truc comme ça, etc., de mettre un lien, de le mettre en PDF s'il ne l'est pas, si on l'a en PDF, de l'envoyer pour que, petit à petit, on se fasse une sorte de base de données bibliographique aussi, de référence ou éventuellement de nom, tout simplement, en disant « ça me rappelle les travaux de machin, mais on ne sait pas exactement où, mais ce n'est pas grave », de telle sorte que ça c'est juste un log interne. Enfin, bien sûr. Comme je sais que tu utilises ce genre d'outil, peut-être que ce serait du pire du coup, une petite synthèse, une présentation, et alors du coup, ça veut dire, une fois que la petite synthèse a été faite, tout le monde l'envoie aux participants, et avec obligation, enfin, voilà, on s'engage tous à apporter l'élément matériel de ce qu'on a pu évoquer, si c'est le cas. Si c'est pas le cas, il n'y a pas d'élément à apporter, mais... Déjà, en quelques séances, on risque d'accumuler pas mal de choses. Oui. Très bien. Ok. Écoutons Roulof. Oui, donc avec, encore une fois, une présentation. Enfin, au début, dans le cadre de cet axe de l'UMR, moi, on avait identifié un sous-thème où on reconnaît très clairement encore les provenances de. Donc, sur la culture, il y a juste la production de la ville, évidemment, en fait, la production de nouveaux espaces urbains. C'est là, en effet dans ce cadre-là que s'inscrit aussi cette présentation. Je suis en train de monter avec Florence Ménès, du CD, une réponse à l'appel d'offres PIRV, c'est le programme interdisciplinaire de recherche ville et environnement. Combinaison de CNRS et MEDEM, qui finance certainement de recherche dans ce domaine. Donc, on est en train de monter une réponse à leur appel d'offres. Et je travaille avec Florence Ménès parce qu'elle, au CT de Lyon, à Nidalgo, ils ont contribué au concours Éco-Quartier. Soumettre leurs éco-quartiers. Il y a une palmarès qui a été fait. Vous savez, il y a tout le travail autour de ça aussi. Ça crée une sorte un réseau de villes qui ont développé des éco-quartiers, qui ont envie d'aller plus loin. Donc, via le CD, accès à ce réseau, en quelque sorte. Donc, c'est intéressant pour moi, en tant que chercheur, c'est intéressant de travailler avec le CD. Et le CD, eux, ils disaient. C'est le ministère de développement durable. On veut aller plus loin maintenant, on a fait ce travail sur l'éco-quartier, mais ce serait intéressant de faire un peu de recherche aussi pour voir comment ça peut aller plus loin. Donc on est en train de monter une réponse à la tête d'offre, qui est finalement la première fois que j'essaye d'introduire la notion de développement durable dans ma recherche. Donc je me pose des tas de questions, mais on est en train de réfléchir à comment faire de ça une. Des productions de la ville, comment en faire une thématique de recherche. Et donc, ce que je vais faire dans la présentation, c'est de vous amener un peu dans ma réflexion, que vous ramenez, où j'en suis actuellement, pour voir si, en effet, si vous me suivez, si vous avez d'autres réflexions. Donc, développement durable et production de la ville. Alors, très simplement, pourquoi on devrait, enfin pourquoi moi ça m'intéresse maintenant de travailler sur le développement durable à partir de la production de la vie. On voit autour de nous, un peu partout, que le souci du développement durable, c'est beaucoup de choses. Enfin, on s'attarde toujours sur une définition que je ne vais pas donner. Mais justement, dans la pratique, on voit que ça conduit notamment à une attention accrue pour les enjeux environnementaux dans la société en général, et dans la production de la ville aussi. planning, on adapte l'espace urbain à la société. On essaie de trouver le meilleur accord entre société et espace. Et si dans la société, il y a des nouveaux enjeux qui émergent, l'environnement, il faut donc aussi changer la planification de la production de la vie. Complètement. Donc du coup, en effet, la planification urbaine se soucie de l'environnement. Concrètement, au niveau de la production de la ville, ça se traduit très simplement en deux choses. On a de nouveaux objectifs en termes de l'attention pour la densification de la ville, pour le transport en commun, pour les normes HQE, pour le traitement de l'eau de pluie, des choses dont on ne parlait pas il y a quelques temps ou autrement. Maintenant, et ça devient des objectifs titrés dans des projets avant la production de l'année. Donc, toute première façon dont ça se manifeste. Et puis, ça se traduit également dans des nouveaux processus, parce que pour atteindre ces objectifs, apparemment, il faut revoir un peu le processus, il faut travailler avec d'autres acteurs, il faut peut-être utiliser plus des réglementations sur certains sujets. Négocier avec d'autres acteurs ou la notion de conception intégrée, enfin, je vais en reparler tout à l'heure. Donc voilà pourquoi, à mon avis, c'est pertinent en ce moment de faire un projet de recherche autour du développement durable et production de la vie. Alors, quel objectif pour ce projet? Donc, je vais mettre un jeu là-dessus, mais qu'est-ce que je vais poser comme question? Qu'est-ce qu'on veut atteindre? Une sorte de point de départ que nous on a pris en bourse de recherche et que finalement, après les écocartes, certains écocartes qu'on a vu autour de nous, ce qu'on pourrait récolter, on voit qu'il est possible, techniquement et aussi d'un point de vue organisationnel, de produire des parties de la ville où on agit plus durable, en fait, c'est-à-dire où on prend en compte, de façon beaucoup plus poussée, l'environnement. C'est le faire, et c'est là que je fais le tissu vers l'autre question de Florence. Dans le concours écoquartier, on a évidemment réfléchi à qu'est-ce que l'écoquartier, qu'est-ce que ça représente. On a donné une sorte de définition pour un certain nombre de choses diminuées en pédagogique, mais bref, qui sont encore à préciser, et ils ont décliné ça en une sorte de grille d'analyse du concours qui est divisée en deux parties. Un, des équipes politiques et techniques pour parler des écoquartiers. Qu'est-ce que, en termes d'organisation, qu'est-ce qui détermine, qu'est-ce qui est nécessaire pour faire un écoquartier? D'éléments qui apparaissent, qui sont nécessaires, enfin, qui apparemment permettent de réaliser des morceaux de vie plus durables, enfin, plus conscients de l'environnement. C'est aussi traduit en des normes techniques concernant l'eau, les déchets, la biodiversité urbaine, la mobilité, stationnement, enfin, mais là. Et donc, nous, on s'est dit, on va pas essayer de redéfinir ou de dire ce que c'est. On va partir du principe qu'il y a un certain nombre de morceaux de vie qui sont réussis du point de vue prise en compte de l'environnement. Et la question, donc on est capable de les produire maintenant. La question, c'est il faut sortir. Pour le moment, on a produit ce morceau de vie dans des démarches exceptionnelles, exemplaires, avec des formatages politiques, enfin, financés spécifiquement. Et l'enjeu, c'est d'aller au-delà de ça et d'aller de l'exceptionnel vers le banal. Là, la question n'est plus de savoir qu'est-ce que les gens font ou comment on fait, ou on ne veut plus aller revisiter, je ne sais pas, Vauban ou un ambitieux stade. On se dit ça, on sait. Et la question de recherche qui se pose, c'est comment d'aller de l'exceptionnel vers le banal. Et donc on se pose cette question, vu notre point de départ, quelle que soit la question qu'on se pose, c'est donc comment on peut diffuser, enfin, de façon dont on aborde cette question, et peut-être d'autres façons de banaliser l'urbanisme durable. Nous, on a tourné dans le sens où on veut partir de projets d'éco-quartier, de projets réussis, dans un certain sens, et voir comment on peut diffuser les savoirs pratiques, comment on crée à partir de là les référentiels, comment à partir de ces quartiers on peut réorganiser les négociations, enfin, comment ça peut se diffuser dans la production banale de la vie. Ça nous semble un objectif pertinent pour un projet de recherche, de contribuer, de mettre un peu plus au clair comment ces connaissances peuvent se traduire, comment ça peut se banaliser. Alors à partir de là, il faut aller vers des questions de recherche. Qu'est-ce qu'on va questionner? Là aussi, quelques constats de départ. De ce qui a déjà été fait sur les écoquartiers à partir je connais le livre de Taoufik Sahoumi et puis il y en a d'autres. Il paraît que quand on réussit à réaliser les écoquartiers, on réussit très souvent à réaliser ce qu'on appelle parfois une conception intégrée, on réussit à mettre de l'amont une série d'acteurs en contact, ce qui permet de prendre en compte dès l'amont du projet les différentes exigences environnementales qu'on a du mal à prendre en compte quand on est dans une approche linéaire du projet où on fait d'abord des volumes fonciers, après devant un aménageur qui va développer, puis ensuite devant un promoteur qui va construire et qu'on découvre. On a l'habitude, on a tendance à découper le processus de production de la ville en différents morceaux, ce qui fait que tout le monde, avec son expertise, n'intervient que sur une partie du projet. Si on arrive à mettre ses expertises en commun tout au long du projet, ça semble conduire à un meilleur projet. Donc il faut revoir un peu l'organisation, le montage des projets. Et pour ce faire, il faut créer les cadres qui le permettent. Il faut que les acteurs soient prêts à coopérer, qu'ils savent parler la langue à la collectivité, qu'ils sachent parler à un porteur et à un aménageur, à un investisseur, que les gens peuvent communiquer. Juridiquement, les outils et les montages existent qui permettent cette conception intégrée du projet. Alors on a réussi ça plus ou moins dans les écoquartiers, c'est un peu plus tard, pas dans tous, mais dans un certain nombre d'écoquartiers, on a réussi à faire ça. Et donc, on peut voir comment ils s'y sont pris, et après comment cette façon de faire peut se diffuser. Donc, encore on n'a pas encore creusant des théories, mais tout bêtement des observations de la pratique, on voit qu'il y a en gros trois façons dont les expériences se diffusent, par la voie négociée, dans les contacts directs entre acteurs autour des projets ou après les projets. Par la voie réglementaire, des choses qui s'introduisent dans la réglementation, qui ensuite influencent les prochains projets, et par la voie culturelle, la prise de conscience chez les acteurs qui changent de comportement, ils obtiennent des nouvelles connaissances et ils appliquent des nouvelles connaissances dans leur projet. Donc les questions portent sur comment ces différentes voies se diffuse la connaissance nécessaire pour faire la vie durable. Je suis d'accord, je vais faire un peu de suite, c'est un peu hermétique. se pose la question, donc on a un certain nombre de questions par rapport à ça, on se pose la question, comment d'une façon théorique, comment faire un vrai sujet de recherche, quel cadre théorique on a, quels outils on peut appliquer pour étudier ça. Alors là, je cherche ce cadre dans ce qu'on appelle la sociologie des organisations, surtout. Et il vient un peu en deux parties. La première partie, c'est ce que je sais faire, sur lequel j'ai travaillé déjà pas mal, sur comment se produit la vie, comment se produit la vie. Il y a un autre champ très, très utile pour comprendre ça, c'est celui des structurations de Giddens. Ça ressemble un peu aussi à la structuration de Giddens, qui dit, en gros, il y a une sorte de dualité entre l'action des agents et la structure, et l'un ne peut exister sans l'autre. Donc il y a dans une organisation l'action des acteurs et l'influence de la structure, et à la fois en même temps il est déterminé par cette structure. Il y a une réciprocité, il parle de la duality structure. Et de la structure, il y a une influence continue mutuelle entre les acteurs dans le système, et Crozier et Friedberg, et le système qui influence nos actions. On ne peut pas dissocier les deux, on ne peut pas dire on change la structure, ce qui va changer le comportement des acteurs, ou l'inverse, parce que les deux sont liés à la structure. La structure, c'est à la fois le produit, outcome, et puis structure, c'est à la fois la structure où l'organisation détermine le comportement de ses acteurs, et en même temps, c'est le résultat de ces comportements. Alors, ces idées-là, ils ont été appliquées à la production de la vie, comme je m'en rappelle, ces idées-là. Notamment par Hill, il y en a d'autres, qui considèrent ce qu'on appelle le processus de développement, parce que c'est en français peut-être un projet urbain, c'est pas tout à fait la production de la vie, comme structure. Un projet urbain, on peut dire que c'est une structure, c'est une organisation qui influence la forme que ça prend. On prend l'exemple de confluence, les acteurs interagissent. Cette structure, il influence le comportement des agents. Et ils ne peuvent pas faire autrement que. Ils sont limités dans leur comportement par ce que impose la procédure ZAC, le bilan de l'opération, tout ça. Et en même temps, c'est ces acteurs même qui créent cette structure et le comportement, il influence. L'influence des cadres. Dualité entre structure et action qu'on peut appliquer à la production de la vie. Alors, pour dire tout ça peut-être plus clairement, j'ai fait ce petit schéma. Est-ce que c'est visible? Avec au milieu le projet, en gros, le projet qui a lieu dans le contexte, et qu'il y a des résultats produits à la fin. Des flèches, on peut commencer partout, à partir d'une situation politique, sociale et économique, et puis une situation physique avant, tout en haut. On définit des acteurs, ils ont des objectifs, ils vont développer des activités, donc ils entrent dans un projet. La position des acteurs dans ce projet urbain, de la collectivité, des promoteurs, tout ça, elle est déterminée par la situation politique, sociale, économique. Ils vont développer des activités pour réaliser leurs objectifs. En confluence, ils ont défini l'objectif de faire un projet de l'international urbaine avec un programme et tout ça. Ils vont développer des objectifs pour les réaliser. Ça influence deux choses. ça influence la situation physique. Hein. Les activités des acteurs dans le projet Armani conduisent à la construction d'équipements, de routes, de logements, d'immobilier. Et puis ça influence aussi, ces activités-là, ils influencent aussi la structure. L'SPA, du Confluence, a créé une ZAC, qui fait qu'à partir de la création de la ZAC, on est dans une autre situation. Finalement, et le projet va évoluer. Les activités de secteur influencent à la fois la situation physique, comment ça va évoluer sur le terrain, et puis la structure d'organisation dans laquelle il a lieu, ce qui influence les positions des différents acteurs. Puis on est dans une sorte de processus cyclique qui produit à la fois une nouvelle situation physique et un nouveau contexte dans lequel ce nouveau morceau de la ville est produit. Et on ne fait pas seulement à Confluence ou à chacun d'autres projets, on ne produit pas seulement le quartier, on produit aussi un nouveau changement de contexte, à la fois en termes de la situation politique, économique, sociale, qu'en termes physiques. Hein, il y a maintenant de l'immobilier, il y a des choses, donc maintenant on ne prend pas les mêmes décisions qu'on prenait il y a quelques temps. Enfin, c'est cette notion, cette façon d'appliquer la notion de structuration au projet urbain. Ça permet de prendre en compte finalement le jour de temps dans ce projet. Le fait qu'au cours du projet, il change, le contexte change, et les choses évoluent. Ce qui permet de comprendre un peu mieux pourquoi les projets parfois se développent d'une certaine façon, ou pourquoi Ben déjà, si là, il y a de nouveaux soucis pour l'environnement qui apparaissent, ça va influencer les objectifs des auteurs, donc ça va influencer les activités, ce qui va influencer les résultats sur le terrain, ce qui va aussi influencer les structures. Donc on peut introduire des nouveaux éléments, et donc le souci pour l'environnement en est un, quelque sorte. Le projet évolue dans le temps. La première partie de la carte théorique. Après, la question, c'est comment dans ce déroulement, on va prendre en compte comment on va dedans introduire cette idée qu'on apprend dans les écoquartiers, on a appris un certain nombre de choses sur la production de la ville durable, et comment ça va influencer la production de la ville. Comment on peut en effet introduire comme nouveau donné dans ce processus. On arrive à la deuxième partie, le cadre théorique, qui est encore largement à construire, mais qui va se faire, à mon avis, autour de la notion de l'apprentissage organisationnel. Et j'ai donné la définition du projet Friedberg de ça, le processus à travers un ensemble d'acteurs, partie prenante au système d'action, de nouveaux modèles de jeu avec une composante affective et relationnelle. Moi j'aime un peu mieux la deuxième définition parce qu'il y a un certain nombre d'éléments qui sont importants, je pense. Il y a même mieux en évidence un certain nombre d'éléments qui sont importants dans la notion d'apprentissage. Le premier, c'est que c'est une experience-based process. L'apprentissage, c'est basé sur les expériences. On fait des choses et on ça correspond à notre idée qu'on fait des écoquartiers et on a des expériences qu'on va utiliser pour apprendre. Il y a la notion de action-outcome relationships. C'est important, je pense que les acteurs, on parle de l'idée que les acteurs, ils ont une rationalité dans laquelle ils réussissent à faire une action pour atteindre un certain objectif. Ils peuvent toujours avoir leur rationalité à eux, mais au sens, ils ont tous cette logique d'action. Pour aller quelque part. Maintenant, dans les écoquartiers, on a développé des connaissances sur les relations entre action en termes de production urbaine et puis outcome, quartier plus durable. Alors, l'apprentissage, c'est une façon dont la connaissance. De ces relations entre action et des résultats se développe, comment il est inscrit dans des routines, comment il devient un parti de la communauté des opérateurs, comment il est donc là aux routines au niveau des pratiques, maintenant dans le comportement, à une échelle plus vraiment dans une sur d'autres dimensions, je pointe comment cette connaissance il s'inscrit dans la mémoire de l'organisation, comment de s'approprier, et comment cette connaissance change le comportement des organisations. Donc ça permet, à mon avis, de poser plus précisément des questions sur comment d'affiner notre réflexion sur comment ce qui se passe dans les écoquartiers, comment ça peut, par quel vecteur, de quelle façon ça peut percoler dans le comportement des acteurs. La notion d'apprentissage organisationnel donne des pistes. Pour ces pistes vers l'opérationnalisation, il y a des idées, mais là, donc, il y a des choses à creuser. Ça fait partie de ce projet de recherche aussi, je pense. Des idées, par exemple, sur l'apprentissage simple et double boucle, infligé et écheux, qui disent, bon, il y a organisations, ils ont leur valeur directrice, derrière pourquoi ils agissent comme ils agissent, une sorte de connaissance un peu tacite, qu'on appelle parfois la culture de l'organisation. À partir de là, ils développent des stratégies d'action. Je vais faire à tel ou tel endroit, telle chose pour atteindre tel ou tel objectif, qui ont des conséquences sur le territoire. Quand on voit les conséquences de ces actions, on va adapter ces stratégies. Si on a, je sais pas, très simplement, encore un concluant, si on a dit on veut des logements haute qualité environnementale, le concerto, on voit que ça pose un surcoût. Conséquence, les logements qu'on va mettre sur le marché sont plus chers que. L'apprentissage en simple boucle voudrait dire que on va adapter nos exigences en termes de qualité environnementale pour rester dans des fourchettes de prix qui nous semblent souhaitables. L'apprentissage simple boucle, on voit les conséquences. Si on n'est pas de son action, si on n'est pas d'accord, on adapte son stratégie d'action. On reste dans les mêmes logiques d'action. L'apprentissage en double boucle. On voit une conséquence, par exemple la même chose, la même conséquence, introduire, c'est un exemple fictif, mais bon, on voit que les exigences en termes de développement durable conduisent à un immobilier qui est plus cher qu'on veut, trop cher. Ça nous fait, enfin, dans le cas où ça nous fait réfléchir au fait que, du coup, les exigences environnementales ne nous permettent pas de réaliser des objectifs sociaux qu'on avait. Finalement, après réflexion, il paraît que ces objectifs sociaux en termes de mixité, de loger des ménages qui ont moins d'argent, nous paraissent plus importantes. On va réfléchir au niveau des valeurs, plus importantes que l'environnement. On va peut-être adapter. Redéfinir ce qu'on trouve important dans le quartier de confluence, ça veut dire là on va faire une nouvelle stratégie d'action. Mais là on a un apprentissage en double boucle. Et c'est des choses qu'on peut, je pense, évoluer, qui donnent des clés pour aller vers un cadre d'analyse, une grille d'analyse pour voir comment la notion de développement durable, les expériences des écoquartiers changent. Peuvent être introduits dans la production plus banale de la vie. Il y a d'autres gens qui ont essayé de creuser cette notion d'apprentissage, par exemple en produisant en proposant des différentes catégories d'apprentissage, au niveau d'attitude et conviction, au niveau des tactiques et des stratégies, outils et structures. Il faut qu'on trouve, et ça on n'a pas encore fait, mais il faut qu'on trouve. Et je pense que c'est la notion apprentissage donne des. J'espère, je pense qu'il donne des cadres qui permettent de faire ça. On opérationnalise cette notion pour l'appliquer à la façon dont les éco-quartiers, les expériences éco-quartiers conduisent à un processus d'apprentissage. Enfin, dans le sens, notre hypothèse, c'est que les éco-quartiers conduisent à un processus d'apprentissage, et c'est par ce processus d'apprentissage qu'il peut devenir que les expériences éco-quartiers peuvent devenir éléments de la production banale de la vie. Alors, dernier transport, on va en parler, on va dire concrètement comment on pense s'y prendre. On a peut-être un projet d'une quinzaine de mois, avec au début, on travaille justement sur cette grille d'analyse, comment on va questionner, comment on va porter le plus loin ces réflexions que je viens de développer. Après, on passera par une étude des cas, dans laquelle nos cas sont des villes, plutôt, pas des quartiers, mais des villes qui ont développé des éco-quartiers. Et puis en même temps qui réfléchissent sur comment se réorganiser, enfin, comment on va organiser la production de la ville. On a un exemple, enfin, ça se passe dans plusieurs villes, à Lyon c'est un peu le cas, on réfléchit à ça, il y a des quartiers, enfin, en tout cas on a des quartiers qui avec une forte conscience environnementale. Grenoble, Nantes, Reims, ben, c'est des villes qui à la fois ont produit des quartiers et qui ont une réflexion plus globale sur comment organiser la production de la ville en vue de prendre en compte les exigences environnementales. Donc l'étude des cas, donc aller voir les acteurs, aller à partir des projets, voir qui ont été impliqués, comment ils s'y sont pris, qu'est-ce qu'ils ont appris, qu'est-ce qu'ils font différent maintenant, enfin une analyse qualitative finalement, avec une démographie par ville, mais les démographies sur la grille commune. Voilà. Troisième phase où on veut mettre, qui est une sorte de phase intermédiaire, je pense qu'on veut utiliser pour mettre nos résultats en débat avec à la fois des chercheurs et des praticiens. On est ensemble tous les acteurs des villes et puis des chercheurs pour essayer de voir si ça correspond ou pas, s'ils s'y retrouvent dans ce qu'on dit, est-ce que ça veut dire. Est-ce que ça correspond à la façon dont eux ils sont en train de prendre en compte la notion de l'environnement? Il y a une quatrième phase où on produit le rapport final, qui est actuellement un colloque de clôture. Rapport final composé donc de, c'est sans doute un incontournable, des monographies des cas, hein, passer par montrer comment ça s'est passé dans les trois ou quatre villes qu'on va étudier. Synthèse des travaux, enfin, ça nous amène des fiches d'action peut-être pour extraire les éléments pratiques de ce qu'on a vu vers les acteurs. Et je pense qu'on est surtout à ce niveau-là, une sorte d'agenda de recherche. Après ce premier travail sur comment ça s'organise, la production de la ville durable. C'est d'identifier quelles sont les pistes à chercher, quelles sont les choses à creuser. L'objectif de ce projet est vraiment dans ce sens-là, exploratoire, peut-être déboucher sur quelque chose de plus précis plus tard. Et puis voilà, avec donc en temps, même si, enfin, je pense qu'on avait en gros à la louche, première phase de 4 mois, deuxième de 6 mois, et après encore 5 mois pour faire la deuxième.